Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 7. Légère, légère, Amélia vole au-dessus du ruisseau. Elle frôle la surface de l'eau, s'élance vers le ciel et brusquement pique vers les roseaux. Silencieuse, elle disparaît dans l'ombre, reparaît dans la lumière. Elle tournoie et zigzague entre les joncs. Elle s'élance à la poursuite d'insectes et les dévore tout rond. Ainsi, Amélia volette de saison en saison. Deux paires d'ailes, trois paires de pattes. Dame libellule ne craint que les araignées et les oiseaux qu'elle fuit en grande hâte. Un jour, alors qu'elle reprend son souffle, accrochée à l'écorce d'un arbre, Amélia entend un bien drôle de remue-ménage dans les roseaux. Curieuse, elle l'a toujours été. Alors, ni une ni deux, elle s'approche pour espionner. Là, une douzaine de crapauds croassent. Donnent-ils une sorte de concert ? Amélia prudemment s'avance encore un peu. Elle est tout près et peut mieux observer maintenant. Un crapaud mauve, muni d'une baguette, semble être le chef d'orchestre. Il est nerveux et tapote violemment le nénuphar qui lui sert de pupitre. À ce moment-là, les autres crapauds présents baissent la tête. À côté du crapaud mauve, il y a un crapaud rougeâtre qui allonge de temps en temps le cou, chuchote quelque chose à l'oreille du chef d'orchestre, et le rythme de la baguette se fait ou plus lent, ou plus rapide, ou plus doux, ou plus tonique. Non loin de ce duo, un crapaud, effondré sur son nénuphar, une plume d'oie à la main, griffonne sur une écorce de saule. Amélia se met sur la pointe des pattes et entrevoit une note de musique. Une partition ? C'est une partition ! L'écorce de saule annotée est tendue au crapaud rougeâtre, qui l'examine, l'attend à son tour au crapaud mauve, et l'on change la musique. Tout à coup, un crapaud gris clair surgit des herbes folles et crie « Venez chercher l'eau !» Tout le monde s'active, sauf le crapaud roux. Les instructions se suivent à présent. « Venez allumer le feu! Venez brasser la soupe !» Et c'est l'agitation dans ce coin d'eau. Amélia resserre ses petites griffes pour ne pas être déséquilibrée. Le crapaud roux, quant à lui, reste immobile. Un « Venez manger !» enfin arrive. Et le crapaud roux, douloureusement, descend de son nénuphar pour rejoindre les autres. Sur son passage, certains ricanent. D'autres lui lancent un « Paresseux, va !» auquel il répond « Je suis malade. » Après ce copieux repas, les crapauds commencent à s'endormir. Amélia attend ce moment pour aller questionner le crapaud. « Bonjour, monsieur le crapaud. J'ai assisté du haut de mon jonc à la fin de votre répétition de chorale et à votre repas. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'aurai une question pour vous. » Le crapaud lui fait signe de la tête et Amélia poursuit. « Pourquoi n'avez-vous pas préparé la soupe avec les autres ?» Le crapaud semble surpris de cette question et répond « N'as-tu pas vu ma couleur, petite ? Je suis roux. Tous là-bas, ou presque, sont gris. Moi, je suis le crapaud roux, le paresseux de service. » Et le crapaud commence à pleurer. Amélia tente de le consoler et après quelques mots gentils et réconfortants, le crapaud cesse de pleurer et continue son histoire. Ah, j'ai toujours aimé chanter. Gris, j'apprenais mes gammes et faisais mes vocalises. Souvent, une fausse note se glissait de ci, de là dans ma performance. Très vite, gris cendré, j'ai profité du succès de ma technique et de ma voix auprès de quelques crapauds. Elles tombaient toutes à mon croassement. J'ai ensuite perdu peu à peu le goût du chant. Je me suis lassée. Mais j'avais toujours la justesse et ma couleur nette. J'ai eu envie après de me ranger. J'ai donc choisi ma crapaude et j'ai bâti mon petit nid. Le bonheur n'a pas duré. Griffère, je suis devenu jaloux. Peu à peu, cette flamme s'est elle aussi éteinte. Olivâtre, je me suis assagi et j'ai commencé à donner des conseils. J'ai fait de plus en plus de fausses notes, vert bleuté. J'avais toujours la connaissance, mais plus la force ni la voix. En violet, j'ai conduit l'orchestre. Puis, avec les rhumatismes, je suis devenue rougeâtre, à conseiller celui qui maintenant dirigeait l'orchestre à ma place. Ensuite, j'ai commencé à ne plus être dans le même tempo que les autres. Tout me semblait compliqué, désuet. J'ai eu l'envie de prodiguer mon savoir à quelques têtards, un peu fous, mais on n'écoute plus le crapaud de ma couleur. En plus, je commence à devenir sourd. J'ai de plus en plus de difficultés à me déplacer. Je suis fatiguée. Me voilà donc roux. Et ce n'est pas fini. Ah bon? Répond Amélia surprise. Le crapaud tournant la tête lui dit: Si vous voulez tout savoir, posez vos questions au crapaud qui ne mange plus. Cette feuille morte là-bas? Demande Amélia. Le crapaud la regarde et le sourire en coin lui rétorque: Avez-vous déjà vu une feuille morte en mai? C'est la rouille des ans, ma petite, la rouille des ans. La rouille, c'est être rongé, abîmé, fragilisé et peu à peu détruit. Il n'y a pas que les années qui endossent ce rôle, n'est-ce pas? Je vous laisse y réfléchir. Légère, légère, Amélia vole au-dessus de la feuille, au-dessus du ruisseau. Elle frôle la surface de l'eau, s'élance vers le ciel et brusquement pique vers les roseaux. Silencieuse, elle disparaît dans l'ombre, reparaît dans la lumière. Elle tournoie et zigzague entre les joncs. Elle s'élance à la poursuite d'insectes et les dévore tout rond. Ainsi volait Amélia de saison en saison.